La web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo vous présente l'émission Les Experts. David Christoffel reçoit Emmanuel Tatt pour évoquer sa thèse « Présence du clavecin dans la musique française des années 70 à nos jours ». Depuis les nombreuses partitions pour clavecin produites en France par Louis Couperin, Robert Guerre, Rameau au XVIIe et XVIIIe siècle, les usages de l'instrument ont beaucoup changé. Au lieu de se laisser complètement remplacer par le piano, le clavecin s'est modernisé et depuis une cinquantaine d'années, les compositeurs lui donnent un répertoire ouvert, parfois déchaîné, cansonné, planant. En 2002, à la Sorbonne, Emmanuel Tatt a soutenu une thèse « Présence du clavecin dans la musique française des années 70 à nos jours », en faisant un focus géographique sur la France et historique sur les années 70 à 2000. Emmanuel Tatt a défriché les partitions pour le clavecin. Invité du Printemps des Arts de Monte-Carlo sur la Radio Parfaite, elle nous raconte une histoire qui pourrait commencer il y a 50 ans, en 1968, avec ce continuum de Ligeti. Antoinette Vischer dans Continuum, une pièce pour clavecin de Giorgi Ligeti, est de 1968, une œuvre qui est donc cinquantenaire aujourd'hui et qui, Emmanuel Tatt, est le point de départ de votre enquête sur le répertoire contemporain du clavecin. Vous avez répertorié tout ce qui a pu être écrit pour clavecin depuis une cinquantaine d'années en France. Pourquoi ce point de départ-là? Qu'est-ce que cette œuvre change? J'ai travaillé des années 70 à 2000 déjà, pour préciser. Un tout petit peu plus récemment, oui, enfin 68, voilà. C'est presque les années 70. Voilà, et effectivement, le Continuum, c'est une pièce de référence dans le répertoire, tout simplement parce qu'elle a révolutionné l'écriture, particulièrement du clavecin, et comme son titre l'indique, cette espèce de continuité de la mélodie, avec un travail sur la mobilité et l'immobilité qui est propre à Ligeti. Parce que c'est vrai que le clavecin a une réputation extrêmement staccato, de sons séparés, et donc d'affirmer la continuité, c'est presque aller contre la réputation de l'instrument. Ah ça, sans aucun doute, mais c'est justement une des caractéristiques de l'instrument, c'est-à-dire qu'on peut écrire ce type de langage. C'est totalement adapté pour l'instrument, puisqu'il permet une répétition très rapide, en fait. J'ai envie de dire un peu contrairement au piano, entre guillemets, dans les claviers, parce que l'attaque est beaucoup plus incisive au clavecin, donc beaucoup plus nette. Alors ça peut engendrer des espèces de coupures, et puis en même temps, ça permet quand même une répétition extrêmement rapide et véloce, justement. Et ce qui fait que dans les études de piano, pour le coup, de Ligeti, on ne trouve pas de partition aussi rapide que celle-ci. Non, c'est vrai. Après, il y a des pièces qui sont quand même assez virtuoses dans les études de Ligeti. Elles sont quand même connues pour étant particulièrement difficiles techniquement. Mais on n'a pas ce type d'écriture. On ne peut pas réaliser ça sur un piano, ça c'est certain. On a l'impression qu'un compositeur qui choisit à un moment donné le clavecin pour faire une œuvre fait une expérience sonore, ne choisit jamais cet instrument de façon anodine. Je pense que c'est lié... Alors, il y a un contexte historique assez unique. On en reparlera peut-être un peu plus tard sur la renaissance de l'instrument, la facture, etc. Et c'est vrai que même dans une époque, par exemple, baroque... Un clavecin dans un ensemble s'entend toujours, parce que c'est un instrument qui est riche en harmonique. Donc il va toujours émerger au sein d'un orchestre. Alors quand on écrit pour le clavecin, j'imagine être à la place d'un compositeur, c'est vrai que c'est très particulier, très spécifique. Et puis en plus, j'ajouterais, alors c'est sans doute subjectif, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'électronique en fait. Donc c'est vrai qu'on travaille sur un matériau très particulier par rapport à cet instrument. On travaille aussi sur le grain, sur la sonorité, quitte à presque délaisser la question du thème, évidemment, du langage, de ce qui est raconté. C'est presque ça, effectivement, surtout dans cette période de redécouverte que sont particulièrement les années 70. Y a ça et puis d'explorer aussi les qualités intrinsèques de l'instrument, c'est-à-dire ses différents registres, les jeux, le jeu de luth, un jeu nasal, etc. Enfin, même si ça a été fait, encore une fois, dans une période baroque, avec le langage contemporain, on a au contraire travaillé ça de manière totalement accrue. Et puis, il y a, comme tous les instruments à partir des années 60-70, par la recherche des sonorités nouvelles, la volonté de manipuler l'instrument d'une façon nouvelle et de se mettre à gratter les cordes, pas seulement toucher les touches. Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est les années 70 d'une manière générale, vraiment ces années d'expérimentation. En réaction aussi avec ce qui s'était passé dans les années 50 et 60. Et donc là, les compositeurs, j'ai envie de dire, se lâchent. Donc on peut expérimenter effectivement l'instrument, comme vous dites, en grattant dans les cordes, en insérant des feuilles de papier d'aluminium, avec un mixeur, avec des baguettes de xylophone, etc. Et avec des baguettes de xylophone aussi, de toucher les touches. Ah oui, également, oui. Alors on va écouter Profil sonore, qui est une œuvre de Graziane Finzi de 1970. La claveciniste Elisabeth Ainaska dans Profil sonore, une œuvre de Graciane Finzi de 1970. Emmanuel Tat, dans votre thèse sur le clavecin contemporain, cette pièce occupe un statut particulier parce qu'elle est assez tôt. Assez tôt et surtout, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle elle utilise des accessoires. Qui sont on a une baguette douce de timbale, deux baguettes dures en bois de xylophone, et puis elle demande également à l'interprète d'intervenir dans les cordes du clavecin, etc. Et le fait que les interprètes se mettent à manipuler l'instrument d'une façon différente va être antérieur au fait qu'on commence à manipuler, du point de vue de la lutherie, le clavecin pour élargir encore le spectre de ses sonorités. Non, l'histoire de la facture est antérieure. Il faut remonter donc au fait au début du XXe siècle. C'est Vanda Landowska qui avait demandé à la firme Pleyel de fabriquer un clavecin. Et Pleyel a donc construit un clavecin à l'image un peu du piano, puisque Pleyel est une marque de piano. Et ils avaient fait un clavecin avec deux claviers et surtout avec un cadre métallique. Et puis des pédales qui permettaient l'accouplement des registres, des claviers, des jeux, etc. Et en fait, ce clavecin-là, ont écrit pour Landowska, De Falla et Poulenc, deux concertos dans 1927, qui a été écrit pour ce clavecin-là. Mais très vite, on s'est aperçu que, évidemment, on n'avait pas tout à fait la même qualité sonore qu'une copie d'ancien. C'est-à-dire que faire vibrer des cordes aussi fines qu'un clavecin avec un cadre métallique, c'est presque, j'ai envie de dire, mission impossible. Donc les facteurs qui se sont intéressés au clavecin ont quand même assez rapidement réintégré le cadre en bois, mais ont toujours gardé cette image d'un clavecin de facture moderne, c'est-à-dire les pédales d'accouplement pour les registres, etc. Et puis l'ajout aussi systématique du registre du 16 pieds, qui est assez rare dans les copies d'anciens. Et puis, c'est seulement après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qu'on a commencé à reconstruire des clavecins type ancien. Voilà, donc sans les pédales d'accouplement, sans systématiquement le registre du 16 pieds. Du coup, je pense que c'est assez unique dans l'histoire des instruments, c'est-à-dire qu'on a deux instruments. On a un clavecin moderne et un clavecin de copie d'ancien. Et qui ne sont pas vraiment en rivalité, qui offrent simplement un panel de possibilités élargies pour les compositeurs. Oui, tout à fait, sauf que il va y avoir du coup une espèce de scission au niveau des interprètes. Parce que ça veut dire quand même avoir deux instruments quand on veut faire les deux types de répertoire. Oui. Donc ça devient compliqué. Alors, ils se spécialisent ou comment ils font ? Alors, ce qui s'est passé, je pense, ce qui s'est passé sur la scène même internationale, c'est qu'il y a peu de clavecinistes, en fait, qui jouent du clavecin moderne. C'est-à-dire qu'Elisabeth Roynaska est une des plus connues, et c'est pas pour rien, puisque ça a été quasiment une des seules. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a également un compositeur claveciniste finlandais qui s'appelle Jukka Tiensuu, qui joue sur le clavecin moderne. Et puis un Français qui vit au Japon, Laurent Teschnet, également. Sinon, aujourd'hui, en tout cas, les clavecinistes jouent sur des copies d'anciens et vont interpréter un répertoire écrit pour le clavecin ancien. Donc, qui plus est, comme Elisabeth Roynaska nous a quittés au mois de mai dernier, la question se pose d'autant plus, qui va jouer les pièces de demain ? Enfin, qui va jouer demain les pièces qui ont été écrites pour le clavecin moderne. Voilà, c'est assez complexe, finalement. C'est, je pense, encore une fois, assez unique dans l'histoire d'un instrument. Au moment de faire votre thèse, vous avez interrogé Elisabeth Roynaska et elle expliquait qu'il y avait une espèce, alors je la cite, de violence dans l'écriture et dans l'approche de l'instrument, puisqu'il y avait la rencontre entre un aspect apollinien avec la réflexion cérébrale intellectuelle que ces possibilités données par le clavecin pouvaient donner au compositeur, et en même temps une décharge d'énergie. On l'a entendu notamment dans la première pièce, on va l'entendre aussi dans une pièce de Xenakis qui s'appelle Kohai Xohai. Comment se fait-il que le clavecin appelle cette violence-là, cette décharge dionysiaque, dit Roynaska? Je pense que c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, cette espèce de son quasiment électronique. Pour revenir au continuum de Ligeti, il y avait Béatrice Berchel qui me disait, souvent on lui faisait la réflexion quand elle jouait cette pièce en concert, mais on a l'impression que cette pièce est électronique, en fait. Donc il y a quelque chose... Béatrice Berchel jouait sur clavecin de copie d'ancien. Hein. Mais il y a donc déjà ça, à la base, dans l'instrument. Donc forcément, après, dans une expression et une esthétique contemporaine, j'imagine que c'est un instrument qui répond parfaitement à ce type de langage, d'écriture, et qui suscite cet aspect-là. Donc ça me paraît évident surtout avec la pièce de Xenakis que vous avez citée, qui fait vraiment appel à des extrêmes, à l'intervention aussi du silence, etc. Donc là, on a vraiment un instrument qui répond à ça, qui est très incisif. C'est très strident, les aigus d'un clavecin. Voilà. Extrait de Koai Xoai, une pièce de Yanis Xenakis, ici interprétée par Elisabeth Roynaska. C'était une pièce de 1976. Emmanuel Tat, on progresse chronologiquement dans le répertoire du clavecin contemporain. On entend aussi que, en allant dans les extrêmes en termes de hauteur, on se trouve dans un jeu rythmique particulier. aussi, alors, propre à l'écriture de Xenakis, quand même, qui a un travail sur le rythme assez redoutable, d'ailleurs. Je pense que les interprètes qui en font sauront de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce, en plus, de limite de la possible interprétation. En général, on n'arrive jamais vraiment à faire ce qu'il y a véritablement décrit chez Xenakis. Il faut s'en rapprocher. Et puis, je reviens sur un petit élément aussi dont on a parlé tout à l'heure. C'est ce travail dans les extrêmes. Là, le clavecin moderne, évidemment, répond parfaitement aussi aux exigences d'un compositeur qui veut cela, puisqu'on a le registre du 16 pieds qui permet d'avoir un registre grave. Au début des années 80, Maurice Ohana écrit quelques pièces pour le clavecin. Et là encore, l'enjeu rythmique est particulièrement mis en avant. Est-ce qu'on peut dire que ça vient du clavecin? Pas tant que ça, parce que dans Conga, on peut reconnaître aussi des rythmes afro-cubains. Alors ça, je pense que c'est une inspiration personnelle, on va dire, du compositeur. Indépendante de l'instrument, mais effectivement, le clavecin appelle le rythme. Donc on va trouver beaucoup de pièces de ce type-là, et notamment aussi, on en parlera sûrement après, de l'association qu'il va y avoir avec la percussion. C'est ça, c'est-à-dire qu'il est vécu comme instrument à percussion, en quelque sorte. Bah, complètement. Après, un peu comme à l'image d'un piano dans la musique contemporaine, on peut le trouver comme un instrument percussif. Sauf que là, il est presque accidentellement mélodique. Oui, mais en tout cas, il fonctionne parfaitement pour ce genre de choses. Et parfois même, les compositeurs vont lui faire plutôt la partie rythmique. Et quand on va le retrouver associé à des percussions, c'est les percussions qui vont faire la mélodie. On retrouve ce genre d'association. Mais en tout cas, chez Ohana, je m'arrête un peu sur ce compositeur parce qu'il a vraiment marqué le répertoire pour clavecin en écrivant, si je ne me trompe pas, 6 pièces pour l'instrument. Et on le retrouve aussi bien en solo qu'en musique de chambre qu'en instrument soliste. Et il insère également l'instrument dans des pièces orchestrales. C'est un instrument très présent. Et on sait qu'Ohana a particulièrement aimé travailler sur les cordes pincées. Donc, évidemment, il aime le clavecin, la guitare, et puis il y avait également la sitar. Voilà, donc après, bon, ces pièces-là, enfin, en tout cas, les deux, Wamba et Conga, qui vont un peu ensemble, sont pour clavecin solo, mais il avait déjà commencé à écrire pour le clavecin dans les années 60. Alors voici cette pièce Conga, qui date de 1982. Emmanuel Tatt est l'invité de David Christoffel sur la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Thank you. C'était à nouveau Elisabeth Hojnaska dans Conga, une pièce de 1982 de Maurice Ohana. Emmanuel Tate, on expliquait effectivement que le clavecin pouvait valoir pour instrument à percussion quand s'en saisissaient les compositeurs depuis une cinquantaine d'années. Il reste que c'est un instrument historique qui a son lustre au XVIIIe siècle et que le souvenir de Froberger, de Couperin doit quand même habiter les compositeurs au moment d'aborder le clavecin. Alors c'est ce qu'on peut constater en tout cas dans l'évolution du répertoire, c'est qu'à partir des années 80 et encore plus dans les années 90, les compositeurs vont s'intéresser beaucoup plus au bagage historique de l'instrument, donc à la musique baroque, musique ancienne, etc. Et aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'histoire de la facture. Donc on va avoir beaucoup plus d'interprètes possibles pour jouer des œuvres contemporaines, mais qui ont un clavecin, des copies d'anciens. Donc c'est un peu naturellement que les compositeurs vont faire des références aussi à la musique ancienne. C'est le cas par exemple de Brice Posé qui écrivait en 1999 six préludes pour le clavecin. Et le mot prélude, il fait référence directe à Louis Couperin, à Froberger avec les préludes non mesurés. Oui, c'est ça, c'est même les préludes non mesurés, effectivement. Brice Posé voulait donner l'illusion de pièces, on va dire presque improvisées, enfin en tout cas sans mesure. En fait, ces pièces sont extrêmement écrites, hein. C'est extrêmement précis rythmiquement, elles sont même très difficiles à jouer. Et lui me disait en entretien, je ne peux pas oublier la littérature du clavecin dans son histoire, dans son contexte, en écrivant pour le clavecin aujourd'hui. En même temps qu'il a recours à une notation extrêmement rigoureuse et complexe, comme vous venez de dire, ce qui n'était pas forcément le cas des clavecinistes français de la fin du XVIIe. Tout à fait, mais c'est, en tout cas, à l'écoute, on a quand même une illusion de liberté. C'est ça qui est aussi admirable. Et en même temps, oui, c'est extrêmement écrit, d'autant plus que Brice Posé fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle complexité, ce mouvement. Donc il y a presque une nuance par note, enfin voilà, c'est bourré de silence, de triple soupir, de triple croche, c'est extrêmement précis. Avec l'intention que tout soit écrit. Absolument. Thank you. Brice Posé qui joue Brice Posé, c'était un de ses 6 préludes pour clavecin écrit en 1999. Nous disions, Emmanuel Tate, en l'écoutant, que même si c'était extrêmement écrit, en fait, il y avait un rapport presque obsessionnel alors à l'improvisation. Effectivement, on pourrait se dire le compositeur aurait pu finalement improviser, tout simplement. Mais voilà, l'improvisation fait que quelquefois, on ne joue pas deux fois la même chose. Donc, lui veut vraiment que ce soit extrêmement précis. Et puis, il le dit vraiment lui-même. Hein, il dit que c'est une tentative de noter l'improvisation, notamment par rapport à une métrique qui est libre. Et en même temps, il intègre donc cette improvisation propre au prélude non mesuré de Couperin, Froberger, dont on citait tout à l'heure. Et puis, il laisse aussi une libre registration, d'ailleurs, à l'interprète, ce qui est propre aussi à l'interprétation de la musique ancienne. Et puis, sur le plan harmonique aussi, il opère une sorte de petite torsion par rapport au claveciniste baroque. D'abord, il est dans un langage atonal, mais aussi dans le choix de l'instrument. Il n'est pas dans un clavier bien tempéré, mais utilise un clavecin à tempérament mésotonique. Oui, tout à fait. Il apporte également cette couleur, puisque les intervalles, du coup, ne sont pas tout à fait les mêmes que dans un tempérament égal. Et ce qui est un tempérament propre à la musique ancienne. Donc là, il réintègre effectivement une notion, encore une fois, de la musique ancienne. Pour revenir aux enjeux de couleurs, on va maintenant écouter une pièce qui s'appelle Kaléidoscope, qui date de 1975 de Michel Reverdy. Et cette fois, le clavecin n'est plus seul. Ben là, on entre un petit peu dans un répertoire de musique de chambre. Donc c'est clavecin et flûte dans cette pièce. Voilà, alors là, on va commencer à découvrir aussi dans quel contexte on retrouve le clavecin en musique de chambre, avec des instruments qui lui sont parfois complètement opposés, comme c'est le cas là avec la flûte, puisqu'on a un instrument avant, des sons tenus, contrairement au clavecin qui est très incisif, comme on a pu l'entendre jusqu'à maintenant. Et puis, par la suite, on verra aussi des associations avec d'autres instruments, des percussions, où là, on va lui rendre encore une fois ses lettres de noblesse par rapport au rythme, et puis d'autres associations assez inédites. Jean-Yves Bosseur, qui est le directeur de votre thèse, écrit à propos de cette œuvre qu'elle construit la partition en organisant des matières, en découvrant des régions sonores, en essayant de travailler sans cesse la même glaise d'origine pour en obtenir des effets kaléidoscopiques. C'est un rapport physique, en fait, au son. Ah, complètement. Après, le titre illustre parfaitement la pièce. C'est effectivement ça. C'est plein de choses en relief. Plein de plans sonores différents. Uniquement avec ces deux instruments-là, mais qui, avec un instrument polyphonique tel le clavecin, le permet. Thank you. Pierre Roulier à la flûte avec Noël Spitt au clavecin dans Kaléidoscope, une pièce de 1975 de Michel Reverdy. Emmanuel Tatt, Michel Reverdy a un discours sur cette œuvre. Elle décrit elle-même ce qu'elle a fait. Elle explique effectivement, elle présente sa pièce elle-même. Elle dit « J'ai tenté de mettre en évidence les transformations progressives de deux matières sonores. Les deux instruments agissent en sens contraire, le clavecin, qui amorce dès le début en coups de griffe les éléments du mouvement perpétuel final, s'oriente tout au long de la pièce vers une plus grande cohérence, alors que la matière exposée par la flûte, très riche au centre du morceau, s'amaigrit jusqu'à ne plus rien laisser subsister à la fin de l'œuvre que quelques sifflements stridents. » Vous faites dans votre travail de thèse sur le clavecin aussi une histoire de l'enseignement du clavecin à Paris, notamment au CNSM de Paris avec les classes successives de Marcel Delacour à partir de 1955 et de Robert Véron-Lacroix à partir de 1967, mais aussi à la Scola Cantorum où il y a une tradition de l'enseignement qui remonte à Wanda Landowska qui en devient professeur très vite jusqu'en 1913, mais on retrouve justement ensuite Antoinette Vichère, Elisabeth Roynaska, Ralph Kirkpatrick. Oui, tout à fait. C'est le lieu du clavecin. Ce sont deux lieux du clavecin, en tout cas, c'est sûr. À la Scola Cantorum, on trouvait aussi Huguette Dreyfus, qui a eu parmi ses élèves des grands noms du clavecin d'aujourd'hui, comme Christophe Rousset ou Olivier Beaumont. C'est-à-dire que ce dernier siècle a vraiment créé une nouvelle école française de clavecin, on pourrait dire. Alors, école française, je ne sais pas. En tout cas, une école du clavecin, oui, certainement. Après... malheureusement, les derniers échos, je me souviens quand j'avais rencontré Béatrice Berchtel, qui enseignait donc au CNSM de Paris le clavecin dans la musique contemporaine, n'avait pas d'élèves. Donc il y avait, c'était quand même assez significatif, il y a un manque, en tout cas, d'une approche de la musique contemporaine au niveau des interprètes. Elisabeth Roynaska a enseigné à un moment donné à Salzbourg, elle avait une classe d'élèves, donc elle a pu faire partager son expérience quant à la musique contemporaine. Mais alors après, évidemment, aujourd'hui, on sait que tout étudiant étudie aussi bien la musique classique, le terme général, et la musique contemporaine est incluse dedans. Mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème de la facture différente entre le clavecin moderne et le clavecin copie d'ancien fait que, à mon avis, on n'enseigne pas aujourd'hui les pièces de Xenakis. Voilà. Vous expliquiez aussi que quand les compositeurs mettent le clavecin avec les percussions, il y a une porosité qui se redistribue dans le rôle entre les deux instruments de façon saisissante. Il y a une pièce de François-Bernard Mach qui s'appelle Anaphore, où il organise une sorte de canon à quatre voix, si bien que de façon imbriquée, percussions et clavecins se retrouvent à occuper quasiment le même rôle. Oui, et puis en plus, il travaille sur des tempi différents sur chaque voix. Donc il y a un travail rythmique d'ailleurs qui est redoutable, et puis cet échange total entre deux instruments rythmiques, effectivement. Et c'est y a un passage comme ça qui est très difficile à interpréter, puisqu'on a, je crois que c'est à quatre voix, donc il y a deux voix percussion, deux voix clavecin qui avancent à des vitesses variables en même temps. Thank you. un extrait d'Anaphore, une pièce de 1981 de François Bernard Mache, interprétée par Elisabeth Roynaïska, toujours au clavecin, et Silvio Gualda aux percussions. Leur collaboration a généré un grand répertoire pour clavecin et percussions, puisqu'ils ont passé tous les deux commandes à un certain nombre de compositeurs de leur génération. C'est ce que font la plupart des interprètes d'aujourd'hui. De toute façon, les compositeurs fonctionnent sur des commandes la plupart du temps. Et donc forcément, avec une interprète comme Elisabeth Roynaïska qui était particulièrement active, son duo formé avec Silvio Gualda ont forcément suscité, et ils ont passé commande à un bon nombre de compositeurs. Je me souviens, à l'époque où je faisais mon travail de recherche, j'avais établi par exemple un listing au CDMC, et j'avais constaté que dans la musique de chambre, un tiers du répertoire était destiné aux clavecins et percussions. Alors, il faut savoir que le CDMC concerne des œuvres de compositeurs dits français, principalement. Mais en tout cas, ça donnait quand même, je pense, une bonne idée, un bon échantillon de ce que l'on trouve en association avec le clavecin. C'est comme ça qu'on trouve une pièce pour clavecin et percussion, à nouveau de Luc Ferrari, qui est de 1988, qui s'appelle « Conversation intime ». Et cette fois, la répartition des rôles est bien différente. Si ça s'appelle « Conversation », c'est vraiment parce qu'il y a conversation entre les deux, donc répartition de l'espace, en quelque sorte. Ah oui, non, complètement. Là, Ferrari, il engage quelque chose, j'ai envie de dire, de simple, en fait, à travers sa pièce. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit « il n'y a pas de mots, pas de signification littéraire ou autre, simplement le désir de faire ensemble deux instruments aussi dissemblables. Allaient-ils jouer de leurs différences et en profiter le long de cette balade ? Il fallait donc leur proposer une conversation dans laquelle ils pourraient se mêler intimement. C'est ce que j'ai essayé de faire en écrivant cette partition. Une conversation intime, elle n'a rien de spécial, elle arrive sans qu'on s'en rende compte, par surprise. Il ne se dit rien d'exceptionnel, mais elle est indescriptible pour autre chose que l'intimité. » Voilà, c'est une pièce d'ailleurs où la percussion est particulièrement présente. Il y a beaucoup d'instruments. On y trouve un vibraphone, un marimba, une cymbale Charleston, une paire de bongos, deux timbales créoles, une caisse claire, deux toms, une grosse caisse pédale, trois temple blocks, deux cloches de vache, un triangle, une cymbale suspendue médium, un tam-tam moyen, deux crotales, un gong et un clavecin. Auteur d'une thèse sur le clavecin contemporain, Emmanuel Tatt est l'invité de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. C'était un extrait de Conversation intime, une pièce de 1988 de Luc Ferrari pour clavecin et percussion qui conforte ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, Emmanuel Tatt, le fait que le clavecin occupe un large spectre harmonique et est très présent même quand il est en compagnie d'autres instruments. J'imagine que pour les compositeurs, ça suppose un certain soin quand on choisit les instruments que l'on met avec le clavecin. Sans aucun doute. Dutilleux, c'est prêté au jeu ? Alors, Dutilleux a écrit une pièce de musique de chambre, et la seule pièce où l'on trouve du clavecin chez Dutilleux, qui s'appelle donc les Citations, qui date de 1991. C'est un diptyque, c'est-à-dire que c'est en deux mouvements, et c'est pour clavecin, hautbois, percussion et contrebasse. Mais en fait, au départ, il avait écrit un seul mouvement, donc pour hautbois, clavecin et percussion. Et puis il a rajouté un deuxième mouvement et il a rajouté également une contrebasse dans cette formation. Et pourquoi il a appelé ça les citations ? Alors tout simplement parce qu'il a fait deux citations. Une qui est un thème varié de Jehan Halin, qui est un motif qui serait attribué à Jeannequin. Et une deuxième citation de Peter Grimes de Benjamin Britten. Alors sans faire d'ailleurs de référence à la musique ancienne ou à Britten, enfin, etc. Il a vraiment fait une citation littérale, telle quelle, dans la pièce. Et puis voilà, il s'est exercé à écrire et insérer le clavecin dans une pièce de musique de chambre. Mais on retrouve bien quand même des caractéristiques de Dutilleux, c'est-à-dire tout le répertoire qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, là, on peut dire qu'il est vraiment issu de cette école française, c'est-à-dire de la couleur, de cette esthétique, de l'exaltation des timbres. Voilà. Thank you.

Extrait d'une pièce de 1991 d'Henri Dutilleux, les citations pour clavecin, mais aussi hautbois, contrebasse et percussions. Emmanuel Tat, on commence à élargir l'instrumentarium. Xenakis est allé jusqu'à 12 instruments en plus du clavecin dans une partition qui s'appelle « À l'île de Gorée ». Bah, là, on entre dans un répertoire de clavecin solo avec ensemble. Donc là, ça le met en position concertant. Voilà, exactement. Donc on est plus dans des pièces concertantes. Et évidemment, qui dit cela, dit la magnificence aussi de l'instrument soliste, etc. Ça veut dire qu'il redevient plus discursif ? Absolument. Plus discursif, plus présent. Après, on peut... Moins électronique. Pas forcément, mais en tout cas, on joue avec un discours entre une masse orchestrale, un ensemble, et puis un instrument soliste typique de la forme baroque, du concerto. Alors voici un extrait de cette pièce de Yannis Xenakis de 1986. Thank you. extrait de « À l'île de Gorée » de Yanis Xenakis, une pièce de 1986. Emmanuel Tatt, on expliquait le rôle du clavecin en position concertant. Ça pose aussi des questions acoustiques. Ça veut dire qu'il faut l'amplifier pour qu'il puisse passer au-dessus des 12 autres instruments. Oui, le clavecin est amplifié. C'est souvent le cas dans les pièces, j'ai même envie de dire, autres d'ailleurs que les pièces où il est soliste avec un ensemble. Et alors, qu'est-ce que ça change à l'écriture pour le compositeur que le fait d'avoir un instrument qui sera ensuite amplifié au concert ? Alors, je pense que tout dépend du but du compositeur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amplification permet d'entendre, on va dire, plus de détails, puisque ce n'est pas un instrument, par définition, qui est très sonore. Il n'a pas une intensité démentielle, si ce n'est, encore une fois, qu'il est riche en harmonique. Donc, on va l'entendre, mais l'amplification permet quand même d'avoir tous ces petits détails de notes ou de... Voilà, perception d'une note suraiguë, etc. Après, par rapport à certains compositeurs, mais on va y venir dans la musique mixte, il est évident qu'il y a le travail sur l'espace acoustique. Donc ça permet de faire des installations sonores, d'avoir une circulation du son dans une salle. On n'écoutera pas, mais il y a une pièce également de Marius Constant qui s'appelle String, qui est pour clavecin et cordes. Et là, il a une disposition spatiale déjà de cette pièce sur scène. C'est-à-dire, c'est en fait, il y a deux quatuors à cordes avec un clavecin au milieu, etc. Donc il a une spatialisation particulière pour sa pièce. On va maintenant écouter un extrait de Braise de François-Bernard Hamache, qui est une pièce de 1995. Vous dites que c'est presque une synthèse de tout ce que Hamache a pu écrire pour le clavecin. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà beaucoup écrit pour clavecin quand il écrit cette pièce-là. Il a commencé à écrire en 72 avec Corvard, qui est une pièce mixte. Et sur laquelle on va venir donc ensuite. Voilà. Et il a écrit plusieurs pièces. Il a écrit, lui, des pièces pour clavecin et percussion, clavecin solo... Et donc là, Braise, si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'avant-dernière avant, dans son panel de pièces pour clavecin qu'il va écrire. Donc il arrive à une espèce d'apogée en le mettant en position de soliste. Et puis, effectivement, il va rassembler tous les éléments qu'il a déjà utilisés par le passé dans ses autres pièces. Donc c'est une apogée, une espèce de... d'un aboutissement, je pense, de son travail aussi par rapport au clavecin. Auteur d'une thèse sur le clavecin contemporain, Emmanuel Tatt est l'invité de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo. Un extrait de Braise de François-Bernard Mache, une pièce de 1995. Est-ce que vous savez, Manuel, pourquoi ça s'appelle Braise ? Alors, c'est le sens de l'œuvre, c'est le feu qui en nourrit la matière, en tant que violence qui couve avant de se déchaîner. C'est vous qui parlez ou c'est François-Bernard Mache ? C'est François-Bernard Mache. C'est octorial, comme on dit. Alors, il y a un auteur dont on n'a pas encore parlé et qui, pourtant, est important au moins à deux titres. D'abord parce qu'il serait le troisième qui fait exploser le répertoire dans les années 70-80 du clavecin avec, justement, Mache et Xenakis. Mais aussi parce que c'est le point de départ de votre recherche, Emmanuel Tate, c'est Marius Constant. Oui, alors c'est plutôt concentré dans les années 70. Hein, il n'a pas écrit après. Mais effectivement, c'est un des premiers compositeurs que j'avais découvert quand je me suis intéressée au répertoire pour clavecin. Et là, il utilise dans Moulin à prière, qui est une pièce qui date de 1969, donc effectivement le départ de mes recherches. C'est une œuvre mixte. Là, le clavecin joue avec son double. Et comme le titre l'indique, il y a cette espèce de côté spirituel. Et puis, c'est le geste qui fait tourner le cylindre. Donc là, on va rejoindre presque notre point de départ, c'est-à-dire le continuum que l'on trouve au clavecin. Cette continuité de son en permanence qui n'arrête pas d'être débité, style le continuum de Ligeti. J'étais allé voir Marius Constant. Il me certifie qu'il n'avait jamais entendu le continuum de Ligeti à l'époque. Parce qu'évidemment, les œuvres sont proches. Elles ont à peu près quelques mois d'écart, même pas un Absolument. An, c'est ça. Thank you. Elisabeth Roynaska, à nouveau au clavecin dans Moulin à prière de Marius Constant, pièce de 1969. Comment se fait-il que le son soit plus sec d'un coup, Emmanuel Tatt ? Alors plus sec à certains moments, c'est-à-dire le début est comme ça, il y a certains passages aussi. C'est ce qu'on appelle le jeu de luth, c'est une espèce de sourdine qui fait qu'on étouffe le son assez rapidement. Donc ça donne ce côté sec, mais aussi ce côté un peu grêle et qui transforme complètement le son. C'est ce qui est admirable au clavecin, c'est ce changement de registre, mais surtout de jeu que l'on peut trouver sur les instruments, qui fait qu'on change de timbre complètement. Alors depuis le début de cette émission, on a donc entendu le clavecin seul, puis accompagné notamment de percussions, puis de plus d'instruments. On va franchir une dernière frontière qui est celle du son enregistré avec des musiques mixtes où clavecin partage l'espace sonore avec une bande, et c'est le cas d'une partition qu'on a évoquée tout à l'heure qui est Corvar, une pièce de 72 de Mach. Alors déjà, Moulin à prière, c'est une pièce mixte, puisque le clavecin joue avec son double, en fait. Il a travaillé la bande sonore en enregistrant déjà du clavecin. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, un espèce de classique, entre guillemets, de la musique mixte, c'est de jouer avec son double. Mais alors là, du heureux. Exactement. Peut-être qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc... Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va retrouver à plusieurs reprises. Dans la pièce de Mach, c'est des sons d'oiseaux qui... C'est complètement différent. Alors, ceci dit, à la fin de Corvar de Mach, on entend quand même deux clavecins enregistrés avec le clavecin en live. Et ça se termine que par des sons de clavecin. Mais la pièce, enfin les 80% de la pièce, c'est effectivement une bande sonore absolument différente, puisque Mach travaille en plus sur une dualité entre nature et culture. Donc on va trouver sur sa bande sonore de la langue Xhosa, qui est une langue bantoue d'Afrique du Sud, des chants d'oiseaux, des cris d'animaux, où on va retrouver les grenouilles, le véra, le sanglier, le guanaco, des orques et des crevettes, des sons également naturels de pluie, et puis comme je le disais à la fin de la bande, les sons instrumentaux de deux clavecins enregistrés. Thank you. Pièce de François Bernard Mache pour clavecin et bande avec Elisabeth Hronaïska au clavecin. C'était Cor War, c'est une pièce de 1972. Et pour terminer cette exploration du clavecin des années 70, 80 et même 90, Emmanuel Tate, nous allons évoquer une pièce de 1982 de Bernard Faure qui s'appelle Tombeau de William Byrd. Oui, c'est une pièce qui, là, est encore une fois une pièce mixte, mais complètement différente des deux qu'on vient d'entendre précédemment, dans le sens où, d'une part, la pièce expose 6 extraits littéraux de la bataille de William Byrd, donc compositeur de musique ancienne au clavecin, et entre lesquels s'intercalent 5 séquences électroacoustiques. Et en fait, le compositeur, Bernard Faure, ne superpose absolument pas ces séquences. C'est vraiment une alternance d'une pièce de William Byrd avec une séquence électroacoustique. Et vous vous expliquez comment ce jeu parataxique ? Je pense qu'il veut, il voulait en tout cas sans doute justement travailler sur une rencontre, mais qui soit pas une confrontation ou une fusion ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que là, on montre aussi que deux mondes peuvent vivre en parallèle et que l'un va s'enrichir de l'autre. Et ça donne une pièce tout à fait personnelle et originale que je trouve très intéressante, d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel Tate. À bientôt. un petit peu pour que je vois. Vous fermez la porte, s'il vous plaît, je ne vais pas trouver le couloir. Merci. Pour finir cette édition des Experts, Baptiste Leonelli débriefe l'émission. L'émission que nous a présentée Emmanuel Tatt est intéressante, je trouve. Nous avons pu embrasser une musique peu ordinaire, parfois des tonalités plutôt électriques, agressives et stridentes. Pour commencer, le Continuum de Ligeti me fait penser à un essaim d'abeilles furieuses. Il est vrai que le son que l'on pourrait qualifier d'électrique fait bien ressortir ce son continu. Dans le troisième extrait, celui de Yanis Xenakis, la musique pourrait nous rappeler les sonorités du Morse. Emmanuel Tat nous a signalé que la musique de Xenakis ne pouvait se jouer toujours de la même façon. Je pense donc que ce choix est voulu par Yanis Xenakis, de manière à ce que chaque claveciniste l'interprète à sa guise. Une vraie chasse à l'oiseau, c'est vraiment ce que l'on peut ressentir dans l'œuvre de Michel Roverdi. Le clavecin et la flûte m'évoquent un lynx à la poursuite d'une alouette lulu, cette variété d'alouettes au chant particulier, produisant des sons flûtés. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est les dates. Et à cette date-là, on est dans le printemps. Et il ne se passe pas grand-chose ailleurs. Et le printemps est évocateur de l'été qui approche, donc de mise en joie. Et bien là-dedans, il y a de quoi être en joie après. Innamorarsi, si, di chi, di cosa, de l'urma qui si slabra nel grecari. Del tuo sguardo che ferma l'aquilone, innamorarsi del disamorare.